Bismillahirrahmanirrahim. İza semaun fatarat. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand le ciel se rompra. Wa iza al-kawakib tatharat. Et que les étoiles se disperseront. وإذا البحار فجرت et que les mers confondront leurs eaux وإذا القبور بعثرت et que les tombeaux seront bouleversés علمت نفس ما قدمت وأخرت toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble? الذي خلقك فسواك فعدلك. Qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement. في أي صورة ما شاء ركبك. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. كلا بل تكذبون بالدين. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. وإن عليكم لحافظين. Alors que veillent sur vous des gardiens. Kiraman katibin. De nobles scribes. Ya'lamuna ma taf'alun. Qui savent ce que vous faites. Innal abrara lafi na'im. Les bons seront, certes, dans un jardin de délices. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ Et les libertins seront, certes, dans une fournaise. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ Où ils brûleront le jour de la rétribution. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ Incapables de s'en échapper. وما أدراك ما يوم الدين؟ Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et ce jour-là, le commandement sera à Allah.